quartier. La DS résonnait pas tous les quarts d'heure. Là-bas ça colle et insulte brigadier. Malade sur l'arrière et lui dit qu'il repassera tout à l'heure. C'est pas facile de vivre avec une trompette ou un mec qui t'oublie pour un compète. En l'air on s'envoie mais on est que des potes. On part pas sur la côte dans l'optique de faire la fête. On dit l'allemand, l'euro, envoie-nous la suite. T'es soutenu de partout jusqu'à la Suisse. T'es un vrai, on le reconnaît dans tes sons. Une leçon de l'or quitte à ce que tu prennes des risques. Je le répète encore, on fait comme on peut. Tu cherches à nous voir, on est tous en bord. Heureux pour la vie, on sera tous les deux. Et si ça va pas, on se prend dans nos bras. Je le répète encore, on fait comme on peut. Tu cherches à nous voir, on est tous en bord. Heureux pour la vie, on sera tous les deux. Et si ça va pas, on se prend dans nos bras. T'as cru que c'était facile, ah la la la. T'as de la mise dans la ville, ah la la la. C'est nous qu'on tient les ficelles, ah la la la. La 6-5 au quartier, c'est rabra la la. T'as cru que c'était facile, ah la la la. T'as de la mise dans la ville, ah la la la. C'est nous qu'on tient les ficelles, ah la la la. La 6-5 au quartier, c'est rabra la la. Rapper c'est pas un jeu, faut que tu sois toujours dans les temps. On n'attend pas que t'agisses, nous c'est en deux qu'on te détend. J'ai pleuré dans la merde, crié très fort pour qu'on m'entende. A personne faut s'en prendre, même s'il vient d'un autre camp. Maman dit de rentrer tôt. Mais en ce moment le choix j'ai pas. Au studio pendant que le gros ça fait royal aux Pays-Bas. On fuck ton PIB, on prend du cash, on va en bas. Rire à la vie c'est beau quand il y aura le compte au Panama. Quoi t'as pas compris, que t'es corrompu. Dis-moi ce que j'ai appris. Quand t'es en hasid réponds plus. Je le répète encore, on fait comme on peut. Tu cherches à nous voir, on est tous en bas. Heureux pour la vie, on sera tous les deux. Et si ça va pas, on se prend dans nos bras. Je le répète encore, on fait comme on peut. C'était facile, oh la la la. T'as de la mise dans la ville, ah la la la. C'est nous qu'on tient les ficelles, ah la la la. La 6-5 au quartier, c'est rabra la la. T'as cru que c'était facile, oh la la la. T'as de la mise dans la ville, ah la la la. C'est nous qu'on tient les ficelles, ah la la la. La 6-5 au quartier, c'est rabra la la.